Allez, DJ Tom, mets le feu à Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Thank you. Swizz Sound System, tu viens d'écouter Dave Swayze avec le morceau Gold Wave et mon ami Conny en face de moi. Ça va Conny? Ah ça va très bien, on a que des références là, écoute franchement. Ouais, il mixe, Tom il mixe bien le petit Tom. Ah il nous met des trucs terribles là, comme le Star Trek qui est en train de passer en fond là, écoute. Bon. Conny, on te retrouve quand sur la playlist de Galaxy? C'est le jeudi soir, 23h01. Tout à fait, jeudi soir, 23h01 en alternance avec mon ami GM, ouais. derrière Mister Ice qui est là avec nous dans Mister les studios Ice aussi. Qui va prendre les platines tout à l'heure en versus avec toi. Ton nom d'émission c'est Eclectomix, Eclectromix, tout à fait. Eclectromix. Petit mélange entre électronique et électro. Parce que, bon, mixes de temps en temps de la rétro ou pas dans ton émission? Bah ouais, c'est pour ça, c'est un petit peu le concept de l'émission, c'est de faire, de pas spécialement avoir de style en fait. D'accord. Justement, c'est pour ça que c'est un petit peu éclectique et électronique. Eclectromix. Et voilà. Jeudi soir avec Mister Conny. Sinon, au niveau de ton actu, ça va, tout se passe bien? Bah ça va, tout se passe bien. Bon, en ce moment, pas trop présent un petit peu partout. Bon, beaucoup de boulot. Ouais. Et surtout sur l'antenne, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que je sois là sur l'antenne. Bon, j'essaie de fignoler quelques morceaux, mais c'est vrai que j'ai pas énormément. C'est vrai que toi, t'aimes bien la production. Ouais, j'aime bien. Avec ton ami Siltrax là derrière, qui est juste derrière. Ah, Siltrax, il me fait des trucs excellents. Bon. Il y a des moments, il me sort des petits. Bon, et sinon, t'as un site internet, un truc où on peut te retrouver sur internet? Ah non, malheureusement, pas encore. Justement, j'ai pas le temps. J'y travaille avec mon ami, justement, avec Siltrax, mais en ce moment, on a vraiment pas le temps de se capter, quoi. Bon, il faut internet. Ah bah ouais, non, mais même chez qu'il y a des auditeurs qui sont demandeurs des playlists. Frère, je m'en excuse. C'est pas la première fois en plus. Déjà la dernière fois, je m'en excusais, c'était avec toi. Ouais, j'avais dit. Et non, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas la tête à ça, mais j'ai pas le temps. Bon, pas de souci. De toute façon, on te retrouve sur internet par l'intermédiaire du forum de Galaxy. De toute façon, t'as une petite rubrique sur le forum, je le sais. Ouais, je l'ai vu. Tout à fait. C'est forum.galaxyfm.com. Vous pouvez profiter de nos programmes, tu le sais, sur le live.galaxyfm.com et le site web officiel de l'émission. Ça, c'est la petite pub Sound System. www.soundsystem-mix.fr. Le petit site qui marche bien, sur lequel vous pouvez retrouver quasiment toutes les émissions, toutes les émissions de la radio. Tous les loulous qui sont ici dans les studios, là en direct. Et dont un en particulier qu'il faut qu'on salue, franchement, il faut qu'on le salue à l'antenne. C'est qui? C'est Jeff. Jeff, ouais, il est là, Jeff. Ah bah ouais, il est là, franchement, le maître, The Master of Sound System. Bon, il est où derrière? Hey, il est là, la Resound Team. Allez, viens, Resound. Viens ici, José. Allez, un petit mot à l'hôtel de Galaxy, José. Allez, on se lance, on y va. Je suis super enchanté, mais je suis un peu déçu que ce soit la dernière pour Jérémy. Bon voilà, José qui est auditeur, c'est aussi mon cousin, il vient de me dire bonjour. On a passé des soirées de folie ensemble. Eh José, on va au showboat? Allez, on y va. Le showboat discothèque, le seul endroit pour faire la fête. Ouais, il y avait le Brasco aussi. On va au Brasco les gars? On fait le Brasco, Macumba, le showboat. Nickel. La tournée des boîtes de nuit. Le number one. Et on fait le number one, le 55. Bref, tous les grands clubs du milieu des années 90. Bon Conny, je te laisse te commencer à te préparer. Tom, il mixe encore quelques vinyles et on te retrouve avec Ice dans quelques minutes pour un versus de folie. Et bien très exactement, j'enchaîne deux ou trois vinyles, temps de me chauffer les doigts parce que j'ai un petit peu d'arthrose. Va te chauffer les doigts. Ice c'est pareil, il est encore plus vieux que moi, donc lui entre les rhumatismes et l'arthrose c'est encore pire. Ouais. Et donc on met allez 2-3 10 chacun et après on enchaîne un nickel versus de folie. Et écoute, je te laisse te préparer, moi je fais le tour des informations de proximité, l'agenda Galaxy avec pour ce samedi 29 mars du côté du Bliss Club une soirée résident, donc tu as rendez-vous avec DJ 6PO et Flamme, Curtain M en warm-up. Il y a également la bûche de Saturday's New Session avec Laurent Top, Frank J et Xtian. Un petit clin d'œil à Frank J qu'on salue de l'équipe de Galaxy. Au Cherry Moon, la soirée Resident Night avec Yuri Parker, El Carlito, les Solphoniques, les Lulu Players. Il y a également Jens Holmes et plus d'infos pour le site de Cherry Moon, www.cherrymoon.com. On continue avec l'Escape Concept ce soir, Resident Night avec Dave, Luke, Kevin, Hawkins et Miss Noah au platine. À l'âge de Zoo, soirée résident et le trio Chris, Johan, Simai. Au Pulse Factory, spécial guest avec au platine DJ Fex. De Paris, il y aura également Saint-Victor, Sipi et Michael Forza. Et le Zoo Club, la Y Fiesta, une soirée spéciale en l'honneur de la Winter Music Conference, la conférence de Miami, conférence 100% tech qui se déroule tous les ans aux États-Unis avec la crème des DJ techno. Tu retrouves ce concept ce soir du côté du Zoo Club avec Serum, Romanes, Arnaud et Ludo. Et bien entendu, en un clic www.galaxyfm.com, rubrique information de proximité et agenda Galaxy. On retrouve DJ Tom au platine de Galaxy. C'est la dernière Sound System. On est ensemble jusque 16h. Encore plein d'invités à venir, il y aura Okos, Ice, Conny et puis l'ami Dust pour un set 100% rétro. Galaxy plays all the hits. We'll be right back. Sound System, fréquence 95-30 avec l'ami Conny et Mister Manhattan qui vient de nous rejoindre. Salut Manhattan. Ouais, salut Jérémy. En pleine forme ? Ouais, ouais, la forme. Bon, on revient avec toi là, dans quelques secondes puisque tu vas nous parler de la soirée Cherry Moon, la rétro célébration qui a eu lieu pour le week-end de Pâques, je pense. Ouais, je me trompe. La semaine dernière, tu vas nous en parler un petit peu. Conny, ça va en pleine forme toi aussi ? Eh ben écoute, voilà, toujours là. J'attends. T'as déjà mixé un vinyle ou pas, pas encore ? Non, pas encore. J'ai laissé la place à Tom et Axe. Tu vas griller ton tour. C'est pas grave. C'est toi juste après Ice. Tout à fait. Bon. Non, mais c'était pour mettre la pression. Bon, mets-toi la pression. Manhattan, la semaine dernière, tu étais pour le week-end férié du côté du Cherry Moon. Tout à fait, ouais. Donc c'était une jolie date avec un joli flyer qu'on a eu ici avec le smiley pour cette soirée spéciale rétro du Cherry Moon. Alors, dans le désordre, il y avait Yves de Ruyter à tes côtés, les Starfighters, le collectif Cherry Moon Tracks, Mike Thompson, Alain Faber, que j'aime bien, Frankie Cluck, Fire et Sandy, et puis toi. Et tout à fait. Alors, t'as mixé de quelle heure à quelle heure ? Moi, je mixais de 23h à 1h en fait. Ouais, gros morceau, 23h-1h pour lancer la soirée. Donc que de la rétro de ton côté, c'était la rétro, rétro tech, rétro house et trans. Bon, et alors comment s'est passée la soirée ? Bah au début, il y avait pas trop de monde, en plus il neigeait, donc on se demandait si les gens allaient venir. Et ouais. Ça s'est rempli au bout d'une demi-heure, une heure. Et au niveau de l'ambiance, c'était Une super ambiance. Hein. Et au niveau de la déco du Cherry Moon, parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allé, parce qu'à un moment donné, le Cherry Moon s'est transformé en colosso, ça a fermé ses portes, ça a rouvert ses portes en février. Moi, j'ai des souvenirs du Cherry Moon avec une entrée un petit peu à la Star Wars. Je sais pas si c'est ils ont gardé toujours la même entrée. Ouais, parce que déjà du temps du Colosseux, c'était resté la même entrée. Hein. Ouais. Et à l'intérieur, la boîte, c'est toujours une boîte carrée, très large, avec des petites marches pour aller dans la piste centrale. Fait, ouais. Bon. Mais ils ont changé les lasers, ils ont mis des nouveaux jeux de lumière et il y a aussi un stand de VIP en fait avec des canards. Et les DJ aussi, il me semble qu'ils ont changé, non ? Parce que du temps du Colosseux, en tout cas, ils avaient changé les DJ de place. Il y avait Ken, je sais pas s'il y avait Manu Ken. Il y avait Manu, Kenton, tout à fait. Il y avait Manu qui est passé là-bas. Je crois que Max Wilder aussi est passé là-bas. Ouais, Ghost. Bon. Et il y a Ghost aussi. Ils ont repris le concept VIP, un peu comme il existait à la bûche dans le milieu des années 90. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça, avec un petit cercle VIP. Il faut une petite carte VIP aussi pour y entrer. Et le champagne est plus cher qu'en bas. C'est ça le concept VIP. Donc, sinon, ça s'est très bien passé. Ah ouais, c'était génial. Tu penses que tu auras une autre date du côté du Cherry Moon très bientôt ? Pour la prochaine rétro cet été. Cet été. Tu sais déjà la date ? Ils l'ont pas encore fixé ? Non, ça doit être au mois d'août, je pense, pour le 15 août. Et il y a des rendez-vous réguliers rétro Cherry Moon qui vont se faire tout au long de l'année, je suppose. Bah, ils font une rétro pour Halloween. Pour les grands, il y a Halloween, il y a la Summer Edition. Effectivement. Bon, bah écoute, on suit ça de très près, Manhattan. Parce que, ça fait plaisir de voir un DJ de Galaxy sur le flyer du Cherry Moon. Bon, Conny, quand est-ce que t'es au Cherry Moon, toi ? Bah, dès qu'ils veulent bien m'appeler, hein. Moi je suis chaud, mais à chaque fois, ils me rebutent, ils me refoulent à chaque fois à l'entrée, je sais pas ce que j'ai. Bon, écoute, t'es bien chaud là, je sens que, en plus, il y a, je sais plus comment s'appelle ce morceau. Secret Cinéma avec Timeless Attitude. Vas-y, bah j'enchaîne derrière. T'enchaînes derrière pour le petit versus. Manhattan, c'est toi qui t'as fait Conny ? Ouais, bah ouais, c'est bon. Clair. Et Manhattan, au niveau de ton émission Ghettomania, c'est tous les 15 jours, le samedi. 16h18. 16-18. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, parce que tout à l'heure, c'est Okos et Sdeuf qui prennent l'antenne. Bon, merci d'être passé, Manhattan. Ouais, bah on te retrouve dans quelques minutes. Ça marche. Du côté des platines. Conny, t'es chaud, toi. Allez, c'est parti. Il y a la pupille qui brille. Ah, ça brille à mort. Bon. Allez, go back. Et j'ai un cadeau à faire emporter, pas aux auditeurs, enfin, pas à vous, mais surtout aux auditeurs. C'est de la part de Michael et du magasin Dicky. Ils ont un petit kit vinyle à vous faire emporter, à te faire emporter, toi qui es derrière l'antenne, au 03 20 83 57 57. Tu arrives 40e et tu repars gratos avec un kit vinyle, une sélection à aller retirer au magasin Dicky Records qui se trouve à Moucron. 03 20 83 57 57, 30e appel, tu repars avec le kit. Conny, un dernier mot ? Bah écoute, non, j'y vais, j'attendais pour y aller en fait. Bah vas-y, va. Allez, on y va. Va, garçon, Manhattan. Sinon, je vais lui piquer sa place. Hein. Vas-y, tu vas. Non, ça fait déjà deux, c'est bon. La place est chaude. Ah, il a ouvert la porte, on entend le studio. Manhattan, dans quelques minutes, on te retrouve aux platines. Ça marche, ouais. Et puis un dernier mot, peut-être de Luigi derrière moi, un petit auditeur qui est là dans les studios. Une petite dédicace à passer à tous ses collègues. Et bonjour à tous, là. Donc, c'est Luigi qui vient de Carrefourland dans le 02. Spéciale dédicace à toute l'équipe du magasin. Hier soir, on a fait la fête à l'Odyssée Discothèque. C'était super jusqu'à 2h du mat, c'était génial. Un grand merci à tous ceux qui sont venus et à tous ceux que je reverrai bientôt. Ciao. Et voilà, le futur animateur de Galaxy, Mr. DJ Luigi. Tony. Le 40e, ouais, 40e appel pour les cadeaux. Merci Luigi d'être passé à l'antenne. Un petit clin d'œil à tout le Carrefour Lent qui sont allés faire la fête à l'Odyssée Club avec, en buvant beaucoup d'alcool. Et puis, bon, nous on continue sur cette émission spéciale. C'est la dernière de Sound System tout au long de cette journée sur Galaxy. On a démarré tout à l'heure à 10h avec Alex Keya. Il y a plein d'invités aujourd'hui. C'est une 100% rétro, 100% Sound System jusque 16h. On fera un break tout à l'heure à 16h et vous me retrouverez à l'antenne à partir de 18h jusque 19h30 tout à l'heure pour la dernière au retour, en tout cas la dernière avec moi et Hubert. Et ensuite, à partir du mois d'avril, Hubert reprendra seul l'émission, l'Eurotop 40. C'est tout à l'heure entre 18h et 19h. Mais pour l'heure, c'est Ice et Conny, un versus spécial rétro, 100% Sound System jusque 16h. Galaxy, place all the hits. We'll be right back. Gatti, Sound System, avec à l'instant DJ Conny au platine de Galaxy pour la dernière de l'émission. On a démarré cette émission à 10h tout à l'heure et depuis quelques heures déjà, avec plein d'invités, on reparcourt les 10 ans de techno, que des grands classiques, de la rétro. Rappelez-vous, souviens-toi, le milieu des années 90, les grandes boîtes, les soirées en boîte de nuit à Lagoa, à la Bûche, avec que des grands classiques, et le concept d'émission continue encore jusque 16h. C'est la dernière, malheureusement, l'émission s'arrête. Vous pouvez nous connecter, nous rejoindre sur internet, le live.galaxyfm.com. La ligne est ouverte, vous pouvez vous connecter, écouter, profiter de nos programmes sur le web 24h sur 24. N'hésitez pas, profitez-en également pour faire un petit tour du côté du site web de l'émission, le www.soundsystem-mix.fr. C'est Conny encore au platine. Tout à l'heure, il y aura Dust, Ice, il y a encore Manhattan qui vient de nous rejoindre. Bref, plein de DJ intergalactiques encore pour ce début d'après-midi. On est en direct, c'est la dernière de Sound System et c'est DJ Conny au platine. Galaxy, place all the hits, all the time. Minuit, Sound System, 13h53. On s'approche tout doucement du cap des 14h. On arrive bientôt à mi-parcours de l'émission. On est ensemble encore jusqu'à 16h. Calais, fréquence 95.30 pour le meilleur de la musique électronique. Émission spéciale Sound System aujourd'hui. La dernière de l'émission, c'est la dernière des der. On ne se retrouvera plus, on ne se reverra plus, sauf sur internet. www.soundsystem-mix.fr. Je te donne rendez-vous là sur le web pour les prochaines fois avec Mr Ice et Mr Connie au platine pour un Versus 602. Il y a 4 platines et puis ils font péter la tech. Tu viens d'écouter Emmanuel Top et à venir tu as Zolex. Souviens-toi, c'est la team du Cherry Moon. Justement, on en parlait tout à l'heure du Cherry Moon avec l'ami Manhattan. Tu retrouves nos programmes, tu le sais, en un clic sur internet live.galaxyfm.com. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tu profites de nos programmes à travers le monde, même en Chine. On nous écoute. Hein, Hubert, on nous écoute en Chine. Hubert, tu le retrouves tout à l'heure pour le top 40 à partir de 18h et jusqu'à 19h30. Le tour d'horizon des 40 titres les plus diffusés sur Galaxy. Émission spéciale tout à l'heure, 18h, 19h30. Le Galaxy Top 40. Pour l'heure, on continue en rétro, en mix, en versus pour cette 100% Sound System jusqu'à 16h. C'est DJ Ice et l'ami Connie qui sont aux platines de Galaxy. À venir dans quelques minutes, Manhattan et Dust pour un set 100% rétro. Galaxy plays all the hits. Galaxy, on vient de passer le cap des 14h dans cette émission spéciale Sound System avec Cogné et Ice. The Techno Radio. Galaxy. Émission spéciale donc avec Cogné et Ice. Ça va les gars? Ça va. Et vous, en avez, vous nous avez mis le feu là à côté. Ouais, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Ah bah non, c'est qui? C'est pas toi? C'est moi alors? J'étais derrière toi. Non. Derrière moi? Ouais. Vas-y, dis pas ça à la radio. Pour ceux qui étaient présents dans les studios, c'était du feu de Dieu avec 4 platines. Yes. Ouais, on a branché le cadre. Franchement, les mecs, bientôt. Bravo. Franchement, c'était nickel. Avec de la bonne techno, vous remettez ça avant 16h. Ouais. Écoute, quand tu veux. Dès que tu nous relâches l'antenne. On attend toujours le petit ping-pong. Toujours un verre. Bah là, de toute façon, on va laisser les platines à Tom et à Manhattan. Ça y est, un autre duo, Tom et Manhattan, qui vont prendre les platines de Galaxy. Cogné, ça va? Tout en forme? Ah bah ouais, hein, comme t'as pu voir. Hein. Ice aussi. Wow, Ice, qu'on n'oublie pas, le jeudi soir, entre 21h et 23h, pour l'émission Inertie, que tu retrouves donc tous les jeudis sur Galaxy. Pour toi, c'est tous les 15 jours, c'est ça? Ouais, une fois sur deux. Quand c'est pas j'aime, c'est moi, tout à fait. Donc, voilà. Toujours, c'est 23h, 1h, jeudi. Voilà, 23h, 1h. Après, bah, justement, mon ami. Après moi. N'empêche, à chaque fois, on se croise tous les 15 jours. Ouais. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait un ping-pong. Franchement, c'était nickel. Tu n'inviterais pas, toi, la prochaine fois, aux 4 heures de rétro, là, avec Manhattan? Non, mais de toute façon, il était chaud, là. De toute façon, il va falloir qu'on se fasse un truc comme ça. Un de ces quatre, on préviendra les auditeurs. De toute façon, c'est pas encore fini, les gars. Vous avez jusque 16 heures. Vous allez nous en refaire un, là. La deuxième partie. Prévois la bière, on arrive. Bon, on laisse l'antenne. On va laisser les platines maintenant à DJ Tom et DJ Manhattan qui nous a rejoint tout à l'heure pour un set aussi 100% rétro, un versus entre les deux. Ils vont cartonner au niveau rétro tech et on se retrouve donc avec les deux loulous là, Ice, Cogné, Dust aussi qui est du côté là-bas. Dust, il est sur le standard, c'est mon standardiste officiel aujourd'hui. Bon, et c'est le standardiste ou c'est lui qui a vidé C'est le standardiste et le barman à la fois pour. Son oreille, elle chauffe et elle siffle. Vous pouvez nous rejoindre sur le site web de Galaxy, live.galaxyfm.com sur internet. Ou à la radio directement ici, à Waterloo. J'aimerais en profiter, c'est la première fois que je passe comme ça à l'antenne, de remercier tout le monde en fait qui écoute l'émission, ainsi de suite, parce que j'ai jamais eu l'occasion. Bon. Donc on essaye pour une fois que je passe. Bon, ouais, écoute, merci. Non, franchement, c'est merci à tout le monde. C'est la première fois qu'on parle en direct à l'antenne, quoi. On n'a pas de micro. Vous en sortez bien, les gars, faut vous lancer là. Non, on essaye. Eh, les DJs. Bah écoute, franchement, si jamais tu veux bien être notre parrain, moi je lance le mot. Si jamais t'es chaud, bah vas-y, tous les samedis. Tous les samedis matin. Sun System Volume 2. Je serai ton chaperon. Allez, voilà, je te guiderai pour parler à l'antenne. Mais tu te débrouilles bien, vous débrouillez bien. Merci, c'est cool. Eh ben avec grand plaisir. Bon, alors merci à tous les fans de Electro Mix le 23h, 1h tous les jeudis. Yeah. Et merci aux fans de Inertie avec DJ Ice. Le 21h, 23h le jeudi soir. Bon, allez, on se tait. On va laisser maintenant place à la musique et à la rétro pour cette 100% Sound System. Encore jusque 16h. Moins de 2h à passer ensemble pour cette dernière émission. Ouais.